s'appelle Pigment. Pigment. Donne-moi deux secondes, je reviens. Yo, ça c'est pour faire du rap. Yo. Ouais, dédicace au 6-3. Tous les Auvergnats sont dans la place. C'est la cité, mec. On est en bas du bâtiment, on t'attend. Ouais, yo. Allez, viens, gros. On va fumer le tarpé. Allez, Jean-Pierre. Sors la bœuf, Jean-Pierre. Roule-moi un joint. Bah, ça synchronise pas vraiment, en fait. The sun of my eye, the night that I stood to see you. Alors tu peux faire des... Ah, tu peux changer là. Franchement, ça boite, hein, ton truc, hein. Tes boîtes, ton machin. J'essaie de comprendre comment ça fait. Ça s'appelle Pigment. Pigment. Salut, Salouch. Salut, tu fais une chanson. Essaye de faire. We're il est trop tard. Putain, c'est quoi ce bordel de synthé? Ça c'est pas pas mal les pads de Pigment. On est en mode expérimentation. Oh putain. C'était moi ça? Ah oui. Ah oui, ça joue tout seul. Thank you. Thank you.